Marqués à vif par la vie des rues, ils vivent à côté de la vie des autres et se croisent le jour et les soirs quand elles rentrent tard. Vieux carton en guise de toit de chaume, ils dorment ici et se réchauffent l'alcool. La jeunesse forme l'homme, mais l'homme de rue n'est pas encore un frère. La vie des autres et des uns ne se tient pas encore la main. L'une détruit l'autre en toute légalité comme une syntaxe déstructurée dans une compétition effrénée. J'ai croisé quelques vies le long des grands boulevards quand je tentais de vendre de la poésie et des chants avec du son sur les marchés du public avec émotion. Et je me demande avec quelques camarades d'enfance quand cette cohérence incohérente sera vraiment bousculée.